Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, fidèles amis de Fadjet 94.2 et Fadjet.net. On se retrouve pour la rentrée et pour une nouvelle émission, la reprise de l'émission des bons plans solidaires, toujours organisée par le groupe solidaire actif de l'association Aurélia. Alors aujourd'hui pour cette rentrée, vous nous avez écoutés pendant les vacances, vous avez vu qu'on a eu du mal à rentrer. La preuve c'est qu'on est seulement arrivé en studio hier et donc aujourd'hui on va faire cette émission avec vous. Alors on a nos chroniques qui sont là aujourd'hui. Khadija, bonjour Khadija. Bonjour Lionel, bonjour à tous Fassiet. Bonjour Angela. Bonjour. Une petite nouvelle, on va essayer que ça se passe bien. Bonjour, on va essayer. Voilà. Bonjour Françoise. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va dans cette émission parler de tas de rubriques différentes. Vous connaissez le principe, les bons plans, les bonnes initiatives, les bonnes personnes, etc. On va parler de l'Octobre Rose, on va parler de conseils concernant des médicaments, on va parler évidemment du NJP qui arrive à vitesse grand V en octobre. On va parler aussi du Lopa de Léo, notre petite aventure mensuelle qu'on vous raconte sur Fadjet. Voilà, je crois qu'on a bien préparé l'émission. Tout est prêt. Vous êtes prêtes ? Oui, prête. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer cette émission avec Khadija qui va nous parler d'une manifestation importante qui aura lieu en octobre, qui est Octobre Rose. On t'écoute. Oui, Lionel, aujourd'hui, on va parler de Octobre Rose. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. L'édition 2024 d'Octobre Rose a annoncé approche à grands pas. Et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Alors, à vos agendas. Rendez-vous le dimanche 13 octobre à 10h30 sur la célèbre place Carrière au cœur de Nancy. Octobre Rose, c'est bien plus qu'une course, c'est un moment de solidarité et une mobilisation collective dans la lutte contre le cancer du sein. Venus nombreux et nombreuses, partagez ce moment fort de soutien et d'espoir, en famille, entre amis ou entre collègues. L'échauffement collectif est prévu à 10h15, juste avant le grand départ qui se fera depuis l'hémicycle du palais du gouvernement. La course traversera des lieux emblématiques dans la ville comme la magnifique place Stanislas et le jardin Imifer. L'arrivée et le ravitaillement vous attendent à la place Carrière dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Concernant les inscriptions, voici ce que vous devez savoir. Les inscriptions individuelles se font en ligne sur la site www.chronopro.net. Si vous venez en groupe à partir de 10 personnes, vous pouvez vous inscrire par email à la4@orange.fr. Les frais d'inscription incluent un t-shirt spécial Octobre Rose à 2€ que vous pourrez retirer à l'hôtel de ville, salle Schiffer et Mienville aux dates suivantes. Vendredi 11 octobre, de midi à 19h. Samedi 12 octobre, de 9h à midi et de 13h30 à 18h30. Il est également possible de s'inscrire sur place lors de retrait de t-shirt le vendredi et le samedi avec une légère majoration de 1€. Alors, que vous soyez un coureur passionné ou que vous souhaitez simplement marcher pour la cause, n'hésitez plus. Chaussez vos baskets et rejoignez-nous pour cette journée de solidarité. Tous unis, même combat contre le cancer du sein. Rendez-vous le 13 octobre à Nancy, place Carrière, pour faire bouger les choses ensemble. Merci. Merci Khadija. Alors c'est vrai que c'est une super initiative déjà depuis pas mal d'années qu'elle existe, hein, manifestation Octobre Rose, et la course qui a lieu à Nancy rassemble chaque année de plus en plus de monde. Alors on compte sur vous toutes et vous tous, même si vous faites pas la course en entier, c'est pas bien grave, l'important c'est d'y être et monter votre solidarité avec cette belle cause. Merci beaucoup Khadija. Alors, pour Angela, c'est le baptême du feu. On va sauter dedans. Voilà, on va sauter dedans. Alors, Angela, tu sais que dans le mois qui précède l'émission, avec les autres membres du GSA, certains ont un peu l'appréhension de venir enregistrer. Donc, eux, ils préparent que des chroniques. Et donc, d'accord. On a Sébastien, qui fait partie de ces personnes-là, qui nous a préparé une chronique d'un super truc qu'il a vu sur Internet, mais a priori c'est passé même dans les grands journaux de télévisés, etc. C'est l'incroyable aventure du documentaire Kaizen. D'accord. On te laisse nous présenter tout ça. Ça marche. Donc bonjour Lionel et bonjour à toutes. Donc vendredi 13 septembre, plus de 300 000 spectateurs ont découvert le film Kaizen, retraçant l'ascension du mont Everest du youtubeur Inoxtag et a attiré plus de 20 millions de téléspectateurs, un influenceur de 22 ans à l'assaut de l'Everest et un film Kaizen qui bat tous les records, plus de 17 millions de vues en à peine 2 jours, 25 millions aujourd'hui. Il raconte l'histoire vécue d'Inoxtag, jeune homme pas du tout sportif qui se lance le défi de gravir le plus haut sommet du monde. Ce documentaire véhicule aussi des messages de dépassement de soi, de réussite, a expliqué une personne qui a visionné le film au cinéma. Inoxtag s'est dit surpris et comblé par cette réussite. Je suis surtout heureux de tous les messages que je reçois, des abonnés qui se sont motivés et qui ont été inspirés par le film. Ces messages m'ont touché, a-t-il déclaré. Il s'est préparé pendant 1 an avec un guide de haute montagne avant de se lancer dans l'aventure de l'Everest. Dans son film, il dénonce la face cachée de la montagne, les déchets abandonnés par les alpinistes et la surfréquentation au sommet. Malgré les critiques, le film continue d'engranger les records, un succès qui confirme la puissance des réseaux sociaux et fait de l'Everest la star de cette rentrée. Vous pouvez voir ce film qui dure 2h23 sur YouTube et gratuitement. On vous rappelle le nom du film Kaizen de Inoxtag, un YouTuber français. Voilà, alors c'est un youtubeur, hein, un influenceur, appelons ça comme on veut, plutôt d'ailleurs pas trop influenceur, plutôt youtubeur. Alors au départ il a fait quelques études, mais il est absolument pas ni reporter, ni journaliste, ni quoi que ce soit. Et c'est lui qui a déjà réalisé plusieurs petits... Court-métrage sur les thèmes qui l'intéressent. Et là, il est parti à l'aventure pour 1 an. Et moi, j'ai vu le film sur YouTube. Je vous invite tous à le voir parce qu'il est vraiment, sympa. Alors, il n'a pas de matériel encore professionnel. Hein. Oui. Et il fait ça avec la plupart du temps son téléphone et une petite caméra qu'il a de rajout. Mais la qualité est vraiment sympa. Et en plus, les messages qu'il fait passer, notamment... concernant la pollution qu'il peut y avoir sur les sites. On le voit tous les ans, on entend tous les ans parler, par exemple sur le Mont Blanc ou ailleurs, de tas de gens qui se perdent, mais aussi des dégradations qu'il peut y avoir à la montagne, parce que chacun escalade un peu n'importe où, n'importe comment. Voilà. Oui, c'est un peu... Enfin, moi, de mon point de vue perso, je trouve qu'on néglige un peu trop la nature. C'est ça, voilà. On veut la découvrir, on veut qu'elle soit belle, et en même temps, on ne la protège pas assez. Voilà. En tout cas, allez voir Inoxtag sur YouTube, c'est gratuit. Ça s'appelle Kaizen, K-A-Y-S-E-N. Et vous verrez, vous découvrirez son reportage et allez cliquer à like ou je ne sais pas trop sur ses réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup Angela pour cette chronique. Il est déjà temps de passer à notre première pause musicale. Alors, la première pause musicale aujourd'hui, elle va être consacrée à Jean-Louis Aubert. Alors, Jean-Louis Aubert a essayé de faire le tube de l'été cette année avec sa chanson Merveille, titre sorti début juillet. L'album va sortir là début octobre, est sorti début octobre. Il est vrai qu'entendre Aubert chanter cette petite chansonnette avec des paroles assez insipides est plutôt étonnant de sa part. Lui, le rocker dans l'âme, aux paroles de chansons plutôt engagées. Une animatrice d'une radio amie du service public à Nancy avait mis ce commentaire plein d'humour, et ben avoir eu cette carrière pour en arriver là, bon, on lui laisse sa réflexion. Bon, ceci dit, c'est une petite chanson pleine de soleil, et je crois que vous en aviez bien besoin cet été dans notre région. Donc, on l'écoute et vous ferez vous-même votre avis. Jean-Louis Aubert, Merveille. Je vais descendre le grand escalier avec ses pierres mal attachées, même si je dois me brûler les pieds. Éviter les cactus à côté. Je vais m'asseoir sur mon rocher, reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. C'est une merveille, regardez cette vie sans pareil. ce que j'ai ôté et rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et toi à mes côtés. Sympa la chanson d'Homer, mais oui, elle est sympa. Allez, on reprend notre seconde partie d'émission avec nos chroniqueuses et on va attaquer donc cette reprise d'émission avec Françoise. Françoise, on a notre rubrique habituelle à l'affiche, toi qui es une cinéphile et qui va au cinéma souvent. Alors dis-nous de quel film tu vas nous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je vais vous parler du film qui est sorti au Caméo Saint-Sébastien. Le titre est Le procès du chien. Une avocate abonnée aux causes perdues s'est fait une promesse, sa prochaine affaire, elle va la gagner quoi qu'il lui en coûte. Et lorsque Dariush, un client désespéré, lui demande de défendre son fidèle animal de compagnie, son chien Cosmos, elle est très surprise. Le procès risque donc d'être aussi inattendu qu'original. Le procès du chien est un film de Laetitia Bodoche avec François Damien, le lancéen Pierre Deladeau-Enchant et Laetitia Dodge elle-même. Ce film est vraiment très drôle. J'ai super bien aimé. Je vous conseille d'aller le voir. Il est au Caméo de Nancy. Alors, j'ai vu la bonne annonce. Hein. Oui, effectivement, ça dépote. Hein. C'est bien rigolo. Et en plus, il y a Pierre de Ladronchamp, notre Nancéen de cœur, qui est dans le film. Donc, ça peut être que sympa. Allez tous au cinéma et voir donc le film. Le procès du chien. Le procès du chien. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Radija. Alors, Radija, grand événement, grande présentatrice oblige. Tu vas nous présenter le NJP 2024, qui est une année assez exceptionnelle, vu toutes les stars qui vont venir durant ce festival. C'est à toi. Oui, Lionel, on va parler de Nancy Jazz, l'automne Sanos Musical à Nancy. Du 5 au 19 octobre 2024, le Nancy Jazz Pulsation revient pour sa 50e édition. Plus de 150 concerts animeront la ville et ses environs, transformant Nancy en véritable capitale de jazz. Et bien plus encore, jazz bien sûr, mais aussi électro, rap, reggae, rock, pop, funk, metal et chansons françaises. Une rap pour tous les goûts. Cette année, préparez-vous à des performances exceptionnelles, avec des artistes de renommée comme Véronique Sanson, la fabuleuse Ayo, le Brad Mildo Trio, sans oublier le talentueux Tiff Kazav, Richard Bona, la grandiose Pat Metheny, Kizaya Jones. Une programmation aussi riche que variée qui promet de vibrer au rythme des notes de musique pour tous les mélomanes. Les concerts se tiendront dans les lieux emblématiques de Nancy, tels que l'autre canal, la salle Poirel, le chapiteau de parc de la Pépinière, l'Opéra national de Lorraine, la manufacture, Sans oublier, le Nancy Jazz poursuit le 5 octobre avec 17 concerts dans les lieux différents. Ici gratuit. À noter le 13 octobre avec la première en fête avec 14 concerts également gratuits. Pour ne pas manquer cette grande fête de la musique, rendez-vous dès maintenant sur la billetterie en ligne de Nancy Jazz, Pulsation, disponible sur leur site officiel nancyjazzpulsation.com. Si vous êtes amateur du jazz, d'autres événements dans la région vous attendent. Également, comme le festival Wolfie Jazz ou le Colmar Jazz Festival, qui aura lieu en septembre. Alors, ne traînez pas pour réserver vos places et venez faire le plein de bonnes vibrations cet automne annoncé. Pour plus de renseignements, suivez le festival sur leur page Facebook ou visitez leur site web. Nancy Jazz Pulsation, du 5 octobre au 19 octobre 2024. Retrouvez toutes les actualités de Nancy Jazz Pulsation, programme, infos pratiques, billetterie, nancyjazzpulsation.com. Bon courage. Oui, bon courage, tu as raison de le dire, parce que les places sont parties comme des petits pains. On est rentré de la Constar et pour avoir un billet, c'est la galère. Véronique Sanson, c'est complet, Kassav, c'est complet. Il y a déjà pas mal d'artistes qui sont complets. Mais quand vous allez sur la plage du NJP, vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses que simplement les concerts. La PEP en fête, ça, c'est un dimanche qu'il faut passer à Nancy. Le Nancy Jazz Poursuite, c'est pareil. Il y a des concerts aussi en extérieur, dans les quartiers, dans les petits villages autour de Nancy. Il y a vraiment plein d'animations. Tito et toute sa bande ont encore fait du très très bon travail cette année. Et on est content pour eux que ça puisse fonctionner du tonnerre de feu cette année encore. Voilà, merci Radija pour cette chronique. Et maintenant, on va passer donc à, l'heure de passer à notre deuxième pause musicale. Alors, pour vous dire que le nouveau Louis Chédid est arrivé, comme un bon vin, c'est forcément un bon cru, la même recette depuis plus de 50 ans, mais à chaque pressage, des senteurs, odeurs, sensations différentes et généreuses et des textes pleins d'humanisme, à consommer sans modération. Il sera bientôt à Nancy en concert le 6 mars prochain à la salle Poirel. Moi, j'ai déjà mon billet. Allez, on écoute le premier extrait de son nouvel album « Rêveur, rêveur ». L'album sort le 1er octobre et le titre s'appelle « Je suis là ». Dédicace à Nino et Lola et je suis sûr que vous aussi, en écoutant cette chanson, vous aurez envie de la dédier à quelqu'un de proche. Radija, je sais que tu la dédies déjà à... mon fils, Amine. Voilà. Allez, on écoute Louis Chédid. Où que tu sois, où que tu ailles, si t'as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénienne, quand les nuages s'amoncèlent, même si je peux pas t'empêcher d'être triste, je plongerai dans les abysses. Qu'à fond, trier, j'irai au fond d'heureux péchés. Je suis là, je suis là. Jamais bien, loin de toi. Envers et contre tout, pour la vie jusqu'au bout. Glacé dedans et l'œil humide, je viendrai rompre le silence en te chantant la vie qui danse. N'hésite pas une seule seconde, il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui tient à toi. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je suis là, je suis là. vie jusqu'au bout. Allez, on retrouve notre troisième et dernière partie d'émission avec Angela qui va nous... Rebonjour Angela, qui va nous lire une chronique cette fois-ci qui a été écrite aussi par Sébastien et qui rappelle un geste qui coûte rien et qui pourtant est très utile, de ne plus jeter ses médicaments. Raconte-nous ça. Alors... Donc, il y a 60 millions de consommateurs viennent de faire une enquête montrant que le nombre de médicaments jetés chaque année par les Français est impressionnant, alors que paradoxalement, nous avons une pénurie de médicaments en France. L'enquête montre, après analyse en laboratoire, que beaucoup de médicaments sont encore tout à fait consommables et n'ont perdu aucun effet, des semaines et des mois, voire des années après leur date de péremption. Certains sont moins efficaces au fil du temps, mais restent tout à fait utilisables. Un record a même été constaté, une boîte de Doliprane retrouvée 25 ans après sa date limite et après analyse en laboratoire montre que le produit est resté intact. Plutôt que de jeter vos médicaments en déchetterie, montrez-les à votre médecin ou pharmacien qui vous donnera de précieux conseils pour les garder. Le gaspillage de médicaments est chaque année colossal et participe aussi au déficit de la Sécu. Les médecins, les pharmaciens doivent aussi être sensibilisés à ce problème, alors évitons de gaspiller et ce, sans aucun risque pour sa santé et pensez d'aller ramener vos médicaments en pharmacie. Voilà, c'est une bonne idée, un petit conseil que parfois on oublie un peu. Il y a eu des années où il y avait des grosses campagnes de pub pour récupérer les médicaments. Je connaissais un pharmacien à Nancy qui était aussi qui faisait partie d'une association qui s'appelait Pharmacie sans frontières, récupérer les médicaments pour les redistribuer dans les pays d'Afrique où il en manquait cruellement. Là aujourd'hui, l'effort est de mise. Mais si tout le monde pouvait participer, faire le geste, ce serait cool. Voilà. Enfin, moi, je sais que perso, je ramène mes médicaments chaque année en pharmacie. Prend 5 minutes. Ouais, en théorie, dans les déchetteries, normalement, il y a un tri qui est fait. Mais quand on le met dans une simple poubelle, comme ça, et qu'on met ça à la benne, je ne suis pas sûr que tous les tris soient faits. En fait, faites ce geste-là, ça ne coûte rien. Et ça peut rendre service à beaucoup de monde, surtout dans une période où on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des pénuries de médicaments. Donc, autant essayer de les utiliser le mieux possible. Mais on n'a pas tous la chance de pouvoir aller chez un médecin et d'avoir la sécu. Donc, voilà, c'est ça. Enfin, aussi. La vie perso. Oui, non, mais il y a aussi des... et le gaspillage. Il y a des organismes comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, tout ça, qui peuvent récupérer les médicaments. Là, c'est validé par les médecins. Donc, on a toujours bonne utilisation à faire de nos restes de médicaments. Voilà. Merci beaucoup, Angela. Merci, Lionel. On poursuit notre émission avec une chronique. Cette fois-ci, c'est Françoise qui va nous la présenter. C'est un feuilleton. Tous les mois, on parle du Lopin de Léo, qui est une initiative à Maxiville Charlebœuf, où des bénévoles d'associations vont cultiver un petit jardin qu'il aurait mis à disposition. Alors évidemment, ils ont une aide technique tout autour. Et on arrive à la dernière phase de notre feuilleton, puisque la récolte, c'est en ce moment. Vas-y, raconte-nous tout ça, Françoise. Bonjour, chronique du jardin à l'assiette. On a fait donc le projet du Lopin de Léo à Maxéville, dont nous parlons depuis le mois de mars. Chaque mois, et dont le but d'avoir instauré un collectif de 5 associations locales qui avaient pour but de cultiver une parcelle de jardin et de réaliser un repas lors de la récolte du jardin. Les dernières nouvelles de l'été sont bonnes, puisque le soleil et pluie ont alterné tout l'été sur Nancy. Le mois d'août a vu moins de monde venir au Lopin de Léo. Vacances oblige, Émilie et l'équipe du Lopin ont dû un peu compenser, même s'ils savaient d'autres travaux à réaliser. En tout cas, début septembre, le jardin est bien garni, même si bien envahi de mauvaises herbes. Il y a du boulot, la récolte cette année n'est pas extra abondante, pluie, soleil et mauvaises herbes. Il ne faut pas bon ménage. Et cela sera une expérience à retenir, mais pour une première, et c'est quand même une réussite, le collectif a déjà commencé à la récolte. Elle a été variée, pommes de terre, concombres, tomates, mini-tomates, choux, carottes, navets, rhubarbe, herbes aromatiques. La conservation ne va pas être longue après avoir réflexion. Il va être l'heure de cuisiner très bientôt. Un repas collectif et participatif va être organisé le 2 octobre au Lopin. S'il fait beau et avec la participation du Fetou Mobile d'Arélia en cas de mauvais temps, dans une salle au clim juste à côté. Au menu et après débat, un plat principal et dessert auraient été retenus, le Kampir. Sorte de pommes de terre farcies aux légumes et étons, une recette typique. Turc et dessert de bonne tarte à la rhubarbe, comme on dit, après l'effort, le réconfort, une belle journée laisse perspective. Le reste de la récolte qui n'aura pas été consommée sera redistribuée en partie aux participants à une association locale, comme à la Banque Alimentaire ou les Restos du Cœur, mais on vous tiendra au courant dans notre prochaine émission. Dites-moi, cela ne vous donne pas envie de jardiner l'an prochain? Alors passez donc voir Émilie, l'équipe de Lopin de Léo, qui se trouve à Maxéville, Champ-le-Bœuf, juste derrière le gymnase de Léo Lagrange. Vous pourrez les rencontrer les mardis matin, mercredi toute la journée et jeudi après-midi. Bravo les jardiniers. Merci Françoise. Oui, ils ont super bien bossé juste avant l'été et ça a poussé grandement. Et c'est une belle réussite pour une première. Merci beaucoup Françoise. Alors, nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission, mais en reprenant notre jeu habituel que vous aimez, qui est, à partir de l'indice, de retrouver le nom d'une célébrité qui est née ce mois-ci, en septembre. Attention, vous êtes concentrés, vous avez révisé toutes les vacances, très bien. Allez, c'est parti. Voici la première célébrité. Son vrai nom est Adelmo Fornaciari. Il est né le 25 septembre 1955 à Roncocesi-Frazione, en Émilie-Romagne. C'est un chanteur rock italien. Il a gagné le surnom de Sucre en français dès sa plus tendre enfance, car sa maîtresse d'école l'appelait par ce surnom affectueux. En Italie, Sucre, ça signifie un petit enfant adorable. Il a fait des études pour devenir vétérinaire, mais c'est un ami qui l'a incité à se diriger vers la musique. Il est un des artistes les plus célèbres d'Italie et connaît une carrière européenne et même mondiale maintenant très importante. C'est en Toscane qu'il démarre la musique dans des petits groupes de rhythm and blues, puis va aller en Californie où il rejoint le Randy Jackson Band. C'est en 1987 qu'il devient célèbre en vendant à plus d'un million d'exemplaires en Italie son premier album, plutôt blues, et chante avec une de ses idoles, Joe Cocker. En 87, il se révèle à l'Europe tout entière avec son titre « Diavolo in me », puis « Senza una donna ». Adamo, non? Comment? J'allais dire Adamo, mais non. Non, pas Merci. Adamo. Raté. Il l'a chanté seul au départ, mais dans le disque, il la chante avec Paul Young. Sa carrière devient mondiale, il chante avec Luciano Pavarotti, Sting, B.B. King, Bono, Johnny Hooker, Johnny Hallyday même. Il deviendra encore plus célèbre en France avec sa chanson « Baila Morena », la chanson du film « Les bronzés trois, amis pour la vie ». Ça vous dit rien? Aujourd'hui reconnu mondialement, il chante en trois langues, italien, anglais, espagnol. C'est le sucre en italien, zucchero. Ah oui, bah oui. Allez, une seconde personnalité de la chanson à découvrir. Il est né le 23 septembre 1949 à Long Branch, dans le New Jersey. Il est auteur, compositeur, interprète et guitariste américain. Il a vendu plus de 65 millions de disques dans le monde dans toute sa carrière. Reconnu pour ses concerts pleins d'énergie et pour sa voix rauque et braillante, très impliqué dans de nombreuses causes humanitaires, des causes des ouvriers, des classes populaires particulièrement. Il est souvent accompagné sur scène par le E Street Band. Connu dans le monde entier, il est venu chanter en France l'année dernière et ce fut un grand succès, très médiatisé. Si je vous dis « Down to the River » ou « Born in USA » et que son surnom est « The Boss », vous allez me dire, un Américain, Bruce Willis. Désolé. Presque. Bruce Springsteen. Ah. Allez, une dernière célébrité de la musique, on va faire plus facile. Facile. Française, cette fois. Ah, française. Elle est née le 19 septembre 1965 à Toulon, dans le Var. Elle monte à Paris à l'âge de 18 ans et s'inscrit dans des cours de comédie. Entre 82 et 85, elle joue des petits rôles dans des films et des séries. 84, elle va jouer dans un café-théâtre, une pièce qui aura un certain succès d'estime, dirons-nous. 85, elle joue une seconde fois dans un second rôle dans une pièce de théâtre au Marigny, intitulée La Menteuse. Avec sa frimousse et sa voix nasillarde, elle est repérée par un producteur d'une maison de disques et enregistre son premier 45 tours en 1987, qui va devenir un succès phénoménal. Elle poursuivra sa carrière, mais avec moins de succès, jusqu'en 90, et nous la reverrons dans les années 2010 avec toutes les tournées des chanteurs des années 80. Elle n'a donc fait qu'un seul succès, mais tout le monde s'en rappelle, c'est sûr. Si je vous dis qu'elle ne fait que des bêtises... Ah, bah c'est... C'est pas Sheila, c'est... Sabine... Paturel. Ah, bah voilà, oui, bah oui. Et bien voilà, notre émission des bons plans solitaires se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va remercier toutes nos chroniqueuses. Merci beaucoup Radija. Merci Lionel et merci à pour tous. Merci beaucoup Angela. Merci. Merci beaucoup Françoise. Merci à tous. Merci à vous les auditeurs de nous suivre depuis maintenant 5 ans. On sera là évidemment le mois prochain, même endroit, même heure, pour une nouvelle émission des BPS. D'ici là, on vous souhaite plein de bonnes choses. La rentrée, j'espère, s'est bien passée et on vous souhaite que tout se continue comme il faut avec un beau soleil, je l'espère, le plus longtemps possible. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.